le sable d'une plage. Regarde, regarde, les peuples de la terre s'entassent. Vivant toutes les émotions. Regarde, regarde, regarde. En jonglant avec les saisons. Tous ces gens qui volent vers d'autres sols. Passagères, maîtresses, bien vite ils reviendront au stress. Turquoiselle, la mer s'en va. Regarde, regarde, regarde. Et bleu le ciel sans nuages. Regarde, tout ce calme n'est qu'une vision. Regarde, regarde, regarde. Dans ce monde plein d'illusions. Surpris que je réponds non. Y a-t-il